Unité 2. 3B. Bien, alors, monsieur Debrun, je vous écoute. J'allais au travail, en voiture, comme d'habitude. Il était à peu près 7h30 et je roulais sur la Nationale 5. J'étais environ à 10 km de Melun quand j'ai vu une Peugeot 307 grise qui était garée sur le bord de la route. Et alors ? Vous vous êtes arrêté ? Ben, comme beaucoup de fumée sortait du moteur, j'ai cru qu'il s'agissait d'un problème mécanique. Et puis la conductrice me faisait signe d'arrêter. Vous pouvez me décrire la conductrice ? Oui, c'était une jeune femme, entre 25 et 30 ans, assez jolie, brune, les cheveux longs. Alors je me suis arrêté, et je suis descendu de ma voiture pour lui porter secours. Et à ce moment-là ? Un homme est arrivé. En fait, il était dissimulé à l'arrière de la Peugeot. Il est sorti de la Peugeot et il m'a menacé avec une arme. Une arme ? Quel type d'arme ? Une arme à feu. Je peux pas préciser. Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est passé très très vite. La femme a demandé les clés de la voiture et elle s'est installée au volant de ma Mercedes. Elle a mis le moteur en route et pendant ce temps-là, l'homme m'a demandé de vider les poches de ma veste. Voyons, qu'est-ce que vous lui avez donné ? J'avais sur moi un téléphone portable et mon portefeuille avec 3 cartes de crédit et de l'argent liquide. Et dites-moi, combien d'argent vous aviez dans votre portefeuille ? Environ 200 euros, je crois. Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les malfaiteurs sont partis avec votre voiture, je suppose ? Oui, l'homme est monté rapidement dans ma voiture et la femme a démarré en trombe. Et dans quelle direction est-ce qu'ils sont partis ? Ils sont partis en direction de Fontainebleau. Vous pouvez me faire une description de l'homme, s'il vous plaît ? C'était un homme de 35 ans environ, plutôt grand, cheveux châtains, mal rasé. Bien, bien, bien. Bon alors, en résumé, il y avait deux malfaiteurs, une femme de 25-30 ans, brune, cheveux longs, et un homme de 35 ans environ, plutôt grand, cheveux châtains, mal rasé. Oui, oui, c'est bien ça. Et ils vous ont menacé avec une arme à feu et ils sont partis en direction de Fontainebleau à bord de votre Mercedes. Oui. Et ils vous ont volé aussi un téléphone portable, 3 cartes de crédit et 200 euros. Oui, c'est correct. Bon, ben nous allons commencer les recherches.